Soudain, la bonne figure préoccupée de M. Vitry s'éclaira. « Sommes-nous bêtes ? Et je n'y pensais plus. Mais je peux te l'acheter, ton châle. Notre rente du jas de Bramefin, nous l'avons jamais touché depuis l'héritage du pauvre oncle. Voilà 2 années de cela. À 150 francs par an, le total monte à 300 francs, sans les intérêts, juste ce que tu aspirais de tes cocons. » Là-dessus, M. Madame Pérol s'exaltère. « Peut-on se laisser lanterner ainsi ? 300 francs, mais c'est une somme. Et ce fermier, ce Frédéric, dont il n'avait jamais seulement aperçu la figure. » Une semaine durant, M. et Mme Pérol ne parlèrent que du voyage. Car ce n'était pas précisément chose commode que d'atteindre le domaine de Bramefin, perché dans la montagne, au-dessus du village d'Entrepierre, lui-même déjà perché haut. 4 heures pour monter, autant pour redescendre. Une absence de tout un jour. Le dimanche, on se retrouve après. Une voisine avait prêté son âne et le boulanger son charreton, où, sur 2 chaises, solidement amarrées, M. et Mme Pérol s'installèrent tant bien que mal, au milieu des bagages et provisions accumulés par Scolastique. « Vous irez droit jusqu'à Entrepierre, » disait Scolastique, qui connaissait le pays. « À Entrepierre, on quitte la grande route, mais tout le monde vous indiquera le sentier qu'alors il faudra prendre. Vous détalerez à mi-montée pour déjeuner, près d'une source, qui est sous un chêne. Là, vous laisserez le charreton, parce que les voitures ne vont pas plus loin, et madame montera sur l'âne. Serez-vous batté l'âne au moins ? Je vais attacher le bât à l'arrière de l'équipage. »